Je ne suis qu'un homme qui n'a pas appris à dire no, no. I should have gone home. Mans Zemerlo sur RGM, il est pile 8h36, on est toujours dans la matinale et on va parler maintenant anniversaire. Ils sont nés un 13 juin 1943, naissance de Malcolm McDowell, acteur britannique vu dans Orange Mécanique dans le rôle d'Alex Delarge, Les Visiteurs en Amérique dans le rôle du mage, Halloween 1 et 2 dans le rôle du docteur Samuel Loomis, The Artist, la série Mentaliste dans le rôle de Brett Stiles, Psych-enquêteur malgré lui ou encore Franklin and Bash. 1951, naissance de Stellan Skarsgård, acteur suédois, vu dans Will Hunting dans le rôle du professeur Gérald Lambeau, dans Dogville, l'exorciste au commencement dans le rôle du Pierre Merin, Pirates des Caraïbes, le secret du coffre maudit et Pirates des Caraïbes jusqu'au bout du monde dans le rôle de Bill Turner, alias Bill le Bottier, vu dans Mamma Mia dans le rôle de Bill, rôle qu'il reprendra d'ailleurs dans le deuxième volet, sorti prévu pour cette année, vu dans Mélancolia, dans Thor, Avengers, Thor, le monde des ténèbres, Avengers, l'ère d'Ultron dans le rôle du docteur Eric Selvig, vu dans Millennium, les hommes qui n'aimaient pas les femmes dans le rôle de Martin Wanger et également dans Nymphomaniac. 1953, naissance de Tim Allen, acteur américain, vu dans Super Noël ainsi que les suites Hyper Noël et Super Noël 3 dans le rôle de Scott Calvin alias le Père Noël, vu également dans Galaxy Quest et il est la voix originale du personnage de Buzz l'éclair dans Toy Story 1, 2 et 3 et dans le quatrième volet qui sortira normalement l'année prochaine. 1959, naissance de Lance Kinsey, acteur canadien connu pour son rôle du sergent Proctor dans Police Academy 2, 3, 4, 5 et 6. 1962, naissance d'Ali Sheedy, actrice américaine connue pour son rôle d'Alison Reynolds dans The Breakfast Club, vu également dans Saint Elmo's Fire, dans la série télé Kyle XY, psych-enquêteur malgré lui. 1965, naissance de Leslie Kay, actrice américaine, vue dans la série télé As the World Turns, dans le rôle de Molly Conlan, Les Experts Manhattan, Amour, Gloire et Beauté, dans le rôle de Felicia Forrester, ainsi que dans Les Feux de l'Amour. 1977, naissance de Romain Ménil, l'ancien perchiste français, qui au championnat du monde compte 2 médailles d'argent, 1 de bronze, au championnat d'Europe, 1 médaille d'argent, et au championnat de France, 10 d'or, 3 d'argent et 2 de bronze. 1978, naissance d'Ethan Embry, acteur américain, connu pour son rôle de Frank Smith dans la série Dragnet, ce rôle de Declan Gigs dans Brotherhood, vu également dans Hawaii 5-0 et The Walking Dead dans le rôle de Carter. Et c'est également l'année de naissance de Mathis Kunzler, acteur suisse, connu pour son rôle de David Seidel dans la série télé Le Destin de Lisa. 1980, naissance de Florent Malouda, footballeur français professionnel depuis 1997, qui a joué à Châteauroux, Guingamp, Lyon, Chelsea, Trabzonspor, Metz, Delhi Dynamos, Wadi Degla et depuis cette année il joue au FC Digerdong. 1981, naissance de Chris Evans, acteur américain connu pour son rôle de Johnny Storm alias la torche humaine dans Les 4 Fantastiques et Les 4 Fantastiques et le surfeur d'argent, vu également dans Le Journal d'une Babysitter et on le connaît surtout pour Steve Rogers alias Captain America dans Captain America First Avenger, Avengers, Thor, le monde des ténèbres, Captain America, le soldat de l'hiver, Avengers, l'ère d'Ultron, Ant-Man, Captain America, Civil War, Spider-Man, Homecoming, Avengers, Infinity War, sorti tout dernièrement au cinéma. Et il reprendra ce rôle, encore une fois, dans Avengers 4, sorti prévu l'année prochaine. 1983, naissance de Jason Spezza, joueur de hockey sur glace canadien qui évolue en NHL. De 2002 à 2014, il a joué pour les Sénateurs d'Ottawa et depuis 2014, il joue pour pour l'équipe des Stars de Dallas. 1986, naissance de Kat Dennings, actrice américaine, vue dans 40 ans toujours puceau dans le rôle de Marla, dans Big Mama 2, dans Thor et Thor le monde des ténèbres, dans le rôle de Darcy. C'est également l'année de naissance de Måns Zelmerlöw, chanteur suédois, et la naissance de Mari-Kate et Ashley Olsen, actrice, styliste et productrice américaine, qui ont interprété le rôle de Michelle Elizabeth Tanner dans La fête à la maison. On les a vues ensuite dans la série Les jumelles s'en mêlent, dans le rôle de Mari-Kate Burke et Ashley Burke, dans 7 à la maison, dans le rôle de Carol et Sue Murphy, ainsi que dans Totalement jumelles, dans le rôle de Riley et Chloé Carlson. 1990, naissance d'Aaron Johnson, acteur britannique, vu dans Shanghai Kid 2, Kick-Ass 1 et 2, dans le rôle de Dave Lizeski, alias Kick-Ass. En 2014, dans Godzilla, vu également dans Avengers, l'ère d'Ultron, dans le rôle de Pietro Maximoff, alias Vif Argent, et plus récemment dans Nocturnal Animals, dans le rôle de Ray Marcus. 1996, naissance de Cody Smith McPhee, acteur australien, vu dans La planète des singes, l'affrontement, dans le rôle d'Alexander, dans X-Men Apocalypse, dans le rôle de Kurt Wagner, alias Diablo, rôle qu'il reprendra dans X-Men Dark Phoenix, sortie prévue l'année prochaine. Et bah dis donc, il y en a beaucoup des films qui vont sortir l'année prochaine. Hein. En 1977, décédé Matthew Garber, acteur anglais connu pour avoir interprété le rôle de Michael, le petit garçon, dans Mary Poppins en 1964. En 1998, décédé Eric Tabarly, navigateur français. Et en 2003, on apprenait le décès de Guy Lux, producteur animateur de jeux et de divertissement télé français, ayant inventé et créé pas moins de 50 émissions radio et télé, dont le jeu culte Interville. Allez, avant de marquer une petite pause musicale, on va faire un point sur les sorties cinéma. Comme tous les mercredis, on commence avec Midnight Sun, un drame romance de Scott Speer avec Bella Thorne, Patrick Schwarzenegger et Rob Riggle. Autre film, Ocean's 8, comédie de Gary Ross avec entre autres Sandra Bullock, Kate Blanchett, Anna Thaway ou encore Rihanna. Autre film, Comment tuer sa mère, comédie de David Diane et Morgan Spielmaker avec Vincent Desagna, Chantal Latsou ou encore Julien Arruti. Autre film, Hérédité, un film d'épouvante de Ari Aster avec Tony Collette, Gabriel Byrne et Alex Wolff. Et enfin, dernier film, Désobéissance, drame romance de Sébastien Lelio avec Rachel Weisz, Rachel McAdams et Alessandro Nivola. Allez, petite pause musicale et on va retourner quelques années en arrière avec le roi de la pop, Michael Jackson, Billie Jean. Advice, just remember to always think twice. Imagine, Michael Jackson sur le 107 FM, un peu plus de 8h47. On fait un point sur la météo. La météo. Alors aujourd'hui, ce sera principalement une journée ensoleillée avec tout de même quelques nuages, mais normalement pas de pluie au programme. Des températures comprises entre 13 et 14 degrés ce matin, entre 16 et 18 degrés cet après-midi. Pour jeudi, cela devrait être la plus belle journée de la semaine. Très ensoleillé. Des températures comprises entre 9 et 10 degrés le matin, entre 19 et 21 degrés l'après-midi. Pour vendredi, ce sera encore une journée ensoleillée avec tout de même quelques petits nuages. Des températures comprises entre 13 et 14 degrés le matin et entre 20 et 21 degrés prévus pour vendredi après-midi. Allez, on fait maintenant un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Et on commence avec du rugby et les championnats du monde U20. Et la France s'est imposée hier en demi-finale face à la Nouvelle-Zélande. 16 à 7, la France affrontera l'Angleterre en finale. Ce sera dimanche. Un mot de tennis à Stuttgart. Gilles Simon s'est qualifié en 2-7 face à l'Italien Viola. 6-0, 6-3. Le match entre Benoît Paire et Fritz a été reporté. Il se jouera donc aujourd'hui. Il y aura également Lucas Pouille face à Molker et les matchs de Federer et également de Raonic à Bois-le-Duc. Qualification de Jérémy Chardy en 3-7 face à Garcia Lopez, 6-4, 6-7, 7-6. Un mot de football, hier soir avait lieu le match France 98 contre FIFA 98. Toute l'équipe de France 98 était là. Ou presque, il manquait bien évidemment Didier Deschamps, on sait pourquoi, coach de l'équipe de France, il ne pouvait pas être là, et il manquait également David Trezeguet, retenu également par des obligations professionnelles. Et donc voilà, sinon ils étaient tous là, ils ont fait le show. Alors certes, ils n'ont plus la même forme qu'il y a 20 ans, mais c'était quand même beau à voir. Et c'est l'équipe de France 98 qui s'est imposée 3-2. Et on va parler de l'équipe de France 2018. Avec Kylian Mbappé qui a fait une petite frayeur hier puisqu'il est sorti avant la fin de l'entraînement touché, mais il a tenu quand même à rassurer tout le monde en postant un message sur les réseaux sociaux en signifiant qu'il n'y avait rien de grave. Ouf, à quelques jours du début de la Coupe du Monde, ce serait quand même pas de bol. Et on termine avec une info de basket. On connaît le nom du nouveau coach du SLUC Nancy. Il s'agit de Christian Monchaud, qu'on connaît quand même bien dans les Vosges, hein, puisqu'il a été l'entraîneur de Golbey Épinal il y a quelques années maintenant. Allez, c'est tout pour l'actualité sportive. On va maintenant marquer une dernière pause musicale. Et je suis un petit peu nostalgique ce matin. Et j'ai décidé de passer c'est Calogero, mais un vieux titre qu'il avait fait en duo avec Passy, c'était Face à la mer. Souvenez-vous, c'était ceci. On ne choisit ni son origine, ni sa couleur de peau. Comme on rêve d'une vie de château quand on vit le ghetto. Naître les taux autour du cou comme Cosette pour Hugo. Être en treillis dans le conflit et prier le très haut. Fils du CO, NGO, cette NGO, M-I-C-R-O. J'ai le poids des mots, sortir d'en bas, rêver déchirer ce tableau. Fait d'armes, de larmes, fait de sang et sanglots. Face à la mer, j'aurais dû grandir. Face contre terre, j'aurais pu mourir. Je me relève, je prends mon dernier rêve. Tous deux la même balle et tous deux déçus. Je prends mon dernier rêve. La sécheresse sur une terre où on ne cesse de semer. Tristesse dans des yeux qui ne peuvent pleurer. J'ai beaucoup de rêves lointains, je me suis tant rebellé. J'ai bu beaucoup de baratin et ça m'a trop saoulé. Dans la vie, y'a l'état profond et l'état à côté. L'état pas un euro ou la tape à l'arracher. Y'a l'état, les RMistes, l'état qu'a t'as fait. Si t'es en bas, faut cravacher, t'as qu'à pas lâcher. T'as pas connu ça toi, l'envie d'empocher des patates. Être à gauche, droite, face à la mer, loin des galères. T'as pas connu ça, l'envie de t'en sortir, distribuer des patates. Des gauches, droites, avec un air patibulaire. Face à la mer. Sur la liste de tout ton être.